CRF ou KTM, OTRS, toi ou PM. Bébé, tu fais quoi ce soir? Petite gâterie, si t'as tes règles. J'ai grandi dans HLM, en Prada, j'oublie HM. J'ai les outils en cas de guerre, nos trains de vie ne sont pas les mêmes. Rien que ça vise sur les clients. Y'a les Henoch, y'a les Mila. J'ai trop d'amour pour les miens. Mais ma chérie, j'suis pas Nia. Mais ma chérie, j'suis pas Nia. On a donné le go, on connaît ton adresse. Genre le Glock, c'est pas pour faire la fête. Jamais, non. On a donné le go, on connaît ton adresse. On connaît ton adresse. Yeah. On récupère le terrain, la sacoche est pleine. Merci pour les travaux, j'ai dit merci pour les travaux. J'roule en Panamera, t'inquiète, on se reverra. Merci pour les travaux, j'ai dit merci pour les travaux. Merci pour les travaux. Dans le rétro, ma chérie, tout va mal. Petite coupure dans le cello, j'vois personne quand c'est l'eau. J'souris sur la photo, mais tu sais que tout va mal. Que des retours allés, un bobo chaud palé. Trop souvent condamné, trop souvent sous-amené. Et si on t'a raté, on viendra la noter. On sera né fâché, le sol fini taché. Bolide allemand, acquis légalement. Si je mets les gants, j'suis pas sûr de trairon. On récupère le terrain, la sacoche est pleine. Merci pour les travaux, j'ai dit merci pour les travaux. J'roule en Panamera, t'inquiète, on se reverra. Merci pour les travaux, j'ai dit merci pour les travaux. Que du midi, minuit, 4 balles, 5 ans, tout va mal. Sur le 9000, j'ai les pare-balles quand tout va mal. Que du midi, minuit, 4 balles, 5 quand tout va mal. Sur le 9000, j'ai les pare-balles quand tout va mal. On récupère le terrain, la sacoche est pleine. Merci pour les travaux, j'ai dit merci pour les travaux. J'roule en Panamera, t'inquiète, on se reverra. Merci pour les travaux, j'ai dit merci pour les travaux.